À votre avis, peut-on allier le textile et les agriculteurs français ? Peut-on s'habiller avec des matières premières locales ? Comment a évolué la filière textile depuis le 19e siècle ? Et quelles sont les étapes de fabrication de nos vêtements ? Existe-t-il encore des entreprises qui fabriquent leurs vêtements en France ? Et comment reconnaître si mes vêtements sont fabriqués dans notre pays ? Nous allons y répondre aujourd'hui. L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Agro, j'écoute. L'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro, j'écoute. Une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes trois étudiantes de l'école d'ingénieurs de Purpan. Je suis avec Alexiane. Bonjour. Qui souhaite s'habiller de manière plus responsable. Et Constance. Bonjour. Qui est en relation avec une actrice et des acteurs d'ailleurs, et des industriels du secteur textile français. Aujourd'hui, le but de cette émission est de vous informer sur les filières textiles, de vous montrer à vous, consommateurs, que l'on peut porter des vêtements à partir de matières premières françaises et de vous donner les clés de comprendre tous ces éléments. Du coup, les filles, on pourrait peut-être commencer par expliquer les débuts de la filière textile française. Et après, Constance, tu pourras nous mettre en relation avec une actrice de cette filière. Oui, exactement. Je vais vous mettre en contact avec Myriam Joly, qui est productrice de laine de mohair dans le Tarn depuis de nombreuses années. Elle va nous parler un peu plus de la filière mohair et comment ça se passe, cette filière. Et elle est passionnée par tout ce qui est vente directe, production et lien producteur-consommateur. Ok, et pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter des extraits audio de l'INA, donc l'Institut National de l'Audiovisuel, qui explique un peu la baisse des industries textiles françaises dans les années 90. Liquidation judiciaire de la lainière de Roubaix, c'est la décision du tribunal de commerce de cette ville. La fin de cette entreprise, c'est aussi la fin d'un symbole, celui de la prospérité de l'industrie textile de la région Nord. La fermeture de l'usine laisse 250 personnes au chômage, déçues. Mais pas surprise, car depuis 10 ans, les plans sociaux se sont succédés avec à chaque fois des promesses et des espérances vite démenties. Au début du siècle, la lainière employait 7000 personnes. À la fin de cette année, on fermera les portes définitivement. En 1975, la société Tiberghien Frères de Tourcoing dépose son bilan. Le prix de l'habillement, du cuir et du textile emploie aujourd'hui moins de 300 000 salariés et en perd chaque année 24 000. À ce rythme, si rien n'est fait, on le voit, c'est bien l'ensemble d'une profession qui pourrait disparaître d'ici 10 ans. C'est vraiment impressionnant toutes ces entreprises du secteur textile français qui ont fermé. Mais pourtant, j'ai lu un article sur l'ancienne filature Colbert à Camarès en Aveyron qui est en train d'être relancée. Je trouve ça super, c'est toute une filière qui est en train d'être relocalisée dans une zone où il y a beaucoup de matières premières, notamment grâce aux brebis de l'AOP Roquefort. Mais est-ce que tu penses qu'avec ce type de projet, je pourrais m'habiller 100% français ? Parce que sérieusement, quand je regarde dans mon placard, tous mes vêtements c'est écrit « Made in China »,« Made in Vietnam », sans parler de leur composition. Là, tu vois, si je te montre l'étiquette de mon pull, il y a écrit « polyester »,« nylon », »,« élastane ». Et sincèrement, je ne pense pas que toutes ces fibres soient produites par des agriculteurs français. Oui, t'as entièrement raison. Mais tu sais qu'aujourd'hui, tu peux complètement t'habiller avec des vêtements et accessoires d'origine française. Par exemple, tu peux prendre des pantalons en lin d'origine France. Tu peux t'habiller avec des chaussettes en laine, des t-shirts en chanvre, même en coton français. Ou même, si tu veux, des sacs en cuir. Il existe maintenant. Oui, je vais te donner en fait quelques petites adresses. Je suis en contact moi, avec les producteurs et les agriculteurs. Mais en fait, avant, il faut que tu comprennes bien en fait, la différence qu'il y a entre les textiles fabriqués en France avec des fibres françaises et les textiles fabriqués en France avec des fibres provenant de l'étranger. Donc pour ça, je vais te donner en fait quelques petits exemples. Donc par exemple, il y a des agriculteurs qui sont dans le Gers aujourd'hui qui font du coton et qui produisent des t-shirts et des polos pour la marque Jean Fil. Ou il y a des agriculteurs de l'Aube qui aujourd'hui produisent du chanvre pour faire des chaussettes. Et en fait, tout ça, c'est des exemples de production locale, française, issue de notre agriculture et qui en fait c'est des fibres françaises et c'est produit en France. Là, c'est 100% français, il n'y a aucun risque. Aujourd'hui, il y a quand même 17 000 hectares de la France qui sont consacrés aux fibres textiles. On est quand même le premier producteur européen, donc c'est énorme. Après, l'autre différence qu'il faut que tu fasses attention quand même, c'est par exemple la marque du slip français. C'est une marque française. Ils font croire qu'ils font tout 100% français, mais il faut faire attention puisqu'en fait, leur matière première, par exemple leur coton, il vient d'Inde ou des États-Unis. Mais ils font l'ensemble après du tricotage, tout ça, en France. Mais c'est pas 100% français, donc il faut que tu fasses bien attention et bien lire tes étiquettes et savoir d'où proviennent tes matières premières. Oui, il faut être méfiant, c'est sûr. Mais bon, notre territoire, je pense, est en train de relever un vrai défi. La filière textile, aujourd'hui, se recentre sur des productions de tissus biosourcés. C'est quoi des tissus biosourcés ? C'est des tissus à partir de matières organiques végétales ou animales. Donc, c'est des produits textiles avec des valeurs plus responsables et il y a plus de transparence dans leur fabrication. En 2017, pour la première fois depuis 40 ans, l'Union des industries du textile relève une augmentation des effectifs de 2000 emplois. Donc c'est quand même motivant. Et puis en plus, il y a de nombreuses entreprises des anciens bassins de production textile, comme les Vosges, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Nord-Pas-de-Calais, qui ont relancé leurs industries et qui misent sur le lin, le coton, le chanvre et l'ortie. Et aujourd'hui, on peut dire que ces efforts payent. C'est l'exemple de l'entreprise Petit Bateau, que je pense tout le monde connaît. Ils ont relocalisé leur production de manière partielle. Donc il y a environ 10% de leurs références qui sont 100% françaises. Ah oui, d'ailleurs je sais pourquoi le textile s'est délocalisé à l'international. Je me documente un petit peu sur l'histoire française et je sais que la France était un producteur de textile très important en Europe il y a plusieurs décennies, grâce aux fibres locales notamment de chanvre, de lin et de laine, surtout dans le nord de la France. Et en plus de ça, la France était un très grand transformateur de matières premières et créateur de textiles importants, avec notamment l'importation de coton. Et ensuite, on peut dire aussi que la France, on a quand même une qualité, un savoir-faire exceptionnel en matière de textile qui est arrivé avec l'apparition des machines à coudre en 1829 et également que ça s'est énormément développé grâce à la haute couture parce qu'on connaît énormément de maisons en France. On est quand même pionnier dans la haute couture qui a permis de montrer le savoir-faire français à l'international. Mais après, il y a tout qui a basculé au XXe siècle avec le développement des fibres synthétiques pour des usages non textiles et textiles qui ont provoqué la disparition des fibres issues de l'agriculture française, notamment grâce à la chimie, parce que l'homme maintenant, il a pu développer des fibres textiles adaptées à nos besoins et à nos envies, ce qui n'était pas le cas avec des fibres agricoles, on va dire. Et c'est comme ça qu'en 1990, une délocalisation massive a eu lieu en France et il y a eu de très lourdes conséquences sur l'emploi. T'imagines qu'en 20 ans, il y a deux tiers des employés qui ont été perdus dans le secteur. On est passé de 425 000 en 1990 à 183 000 en 2004. C'est quand même énorme. Donc ces chiffres sont tirés de l'INSEE. Et aujourd'hui, si on regarde la majorité de ces entreprises, en plus, elles ont fermé. Et 85% des textiles en France aujourd'hui viennent de l'étranger, quoi. Donc des textiles français, il y en a très très peu. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de transports et de sous-traitants étrangers. Donc beaucoup d'émissions de CO2 aujourd'hui dans le contexte actuel avec le réchauffement climatique. Je pense que c'est une réflexion à avoir, sans parler des droits du travail qui sont bafoués dans la plupart de ces pays-là. Et en plus, j'imagine que ces produits-là, ils sont faits à partir de pétrole et qui sont très consommateurs d'eau, non ? Ouais, non, c'est sûr. D'après World Wildlife Fund, le polyester, c'est une fibre plastique qui nécessite l'usage du pétrole. Et un petit chiffre qui est quand même assez frappant, c'est qu'il faut 1,5 kg de pétrole pour produire 1 kg de polyester. Mais est-ce que tu crois que les entreprises du textile françaises, elles le prennent en compte, ça, aujourd'hui ? Oui, parce que y a quand même une grande prise de conscience d'une éthique de consommation, d'une importance de l'écologie et de la volonté de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se mettent des objectifs de RSE, donc c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc oui, on peut dire que pas mal d'entreprises commencent à faire des efforts. C'est super quand même qu'il y en ait beaucoup qui commencent à s'interroger et à faire un petit peu mieux. Mais c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on peut garantir que c'est 100% français ? Mais alors, déjà, le premier réflexe à avoir, c'est de jeter un coup d'œil sur ton étiquette et de vérifier, lors de ton achat, l'origine des matières premières. Ensuite, il y a les labels. Même s'il faut toujours être méfiant, les labels, par exemple, fabriqués en France, origine France garantie, laine de France, excellence des savoir-faire français. Et ils vont t'éclairer à toi, consommatrice, et ils vont aussi te permettre d'attester les valeurs du fabricant. C'est génial, tu sais vraiment plein de trucs sur les filières textiles. Mais est-ce que tu sais comment sont fabriqués nos vêtements, quelles sont les étapes, tout ça? Ben, déjà, je pense qu'il est important de redéfinir pour tout le monde la filière. Qu'est-ce que la filière? La filière, c'est l'ensemble des activités complémentaires qui concourent d'amont en aval à la réalisation d'un produit fini. Donc, il y a des étapes en amont et des étapes en aval. Donc, pour les étapes en amont, c'est la récolte pour ce qui est de l'origine végétale ou la tonte pour ce qui est d'origine animale. Ensuite, il y a le tri, le lavage et le séchage de cette matière. La qualité des fibres, évidemment, elle va dépendre de la production ou de l'élevage. Par exemple, si on prend l'étape du rouissage du lin, qui consiste à retourner régulièrement les fibres pour les sécher, eh ben, il ne faut pas que ces fibres soient ni trop sèches ni trop humides pour avoir une bonne qualité après du textile. Ensuite, il y a les étapes en aval. Donc, il y a la filature, ensuite le tricotage ou le tissage, l'ennoblissement et la confection. Donc, la filature, en fait, on va transformer nos fibres naturelles en fils. Donc, les fibres, qu'elles soient végétales, animales, synthétiques ou artificielles. Ok, donc en gros, la filature, c'est tout simplement, tu transformes la fibre en une bobine de fil, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, il y aura le tissage, c'est l'entrecroisement des fils verticaux et des fils horizontaux. Après, donc il y a le tissage ou le tricotage. Donc là, c'est plutôt une technique où s'entrelacent les boucles de fils qu'on appelle les mailles. Après, il y a l'ennoblissement, donc c'est la troisième étape. C'est les traitements que vont subir les tissus, par exemple la teinture, le blanchissement, les impressions. Et enfin, il y a la confection faite par les couturières. Et donc là, c'est l'assemblage des différentes pièces pour avoir le vêtement voulu. Donc, il y a beaucoup d'étapes. Certaines étapes aujourd'hui se font en France. Par exemple, Petit Bateau réalise 40% de son tricotage à Troyes. Et ça doit être difficile du coup d'avoir toutes les infrastructures nécessaires pour réaliser les étapes localement. Enfin, s'il faut réaliser tout ça, c'est difficile d'avoir toutes les entreprises au même endroit. Et est-ce que toutes ces étapes-là, elles impactent le prix du produit final et l'origine locale? Certes, t'as raison, mais l'argent, il doit être reversé à tous les acteurs de la filière qui sont très nombreux. C'est le but, en fait, du commerce équitable. Par exemple, chez les éleveurs de chèvres Angora, il y a environ 4 kilos de laine, appelée laine mohair, produite par an par bête. C'est quand même important de valoriser cette laine et de valoriser l'éleveur. Et ce serait une démarche locale, équitable, qui redynamise le savoir-faire français. Comme ça, on remettrait un peu en lumière les acteurs invisibles aux yeux des consommateurs. D'ailleurs, sur toutes ces questions de valorisation de l'élevage, on pourrait peut-être faire appel à donc Myriam Joly, la directrice de Miss Aigle. Oui, c'est exact. Elle va répondre à toutes nos questions sur la filière du mohair. Mais avant, en fait, je vous propose de faire une petite pause musicale et d'écouter le jeune groupe toulousain Cigale, qui va nous interpréter « J'aurais aimé ». Et c'est une composition du style jazz, reggae, soul. Et pour leur faire un petit peu de pub, ils sortiront leur premier EP en 2023 et n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. J'aurais aimé danser avec toi toute la nuit, chanter, crier, tourner jusqu'à tuer l'insomnie. Mais tu n'es pas là, je resterai seul avec moi. Dedans ces draps qui t'ont dérobé à mes bras. J'ai beau chercher dans ces ruines un vestige de toi. Juste une une odeur pour me consoler de cet effroi. Mais il n'y a parmi ce désordre que je vois ni forme ni voix, aucun témoin de ton trépas. Je me souviens de la forme que prenait ce matelas. Après des heures sous l'addition de nos pauvres poids, j'en étais là, s'il t'épousait à chaque fois. Et quant à moi, tu me repoussais de tes doigts. C'était Sigal qui nous a interprété J'aurais aimé. Vous êtes toujours sur Agro J'écoute et dans cet épisode, nous discutons de la filière textile. Nous avons vu que la filière textile, elle a beaucoup évolué en fait avant le XXe siècle, puis elle a rapidement décliné avec l'apparition des fibres synthétiques. Nous avons vu également qu'aujourd'hui la filière, elle renaissait et elle essayait de se relancer et qu'elle était très tournée vers les consommateurs soucieux des questions éthiques, en fait, comme toi, Alexiane. Et juste avant la pause, nous nous sommes questionnés sur le prix et la valorisation de ces fibres pour les agriculteurs. Donc maintenant, en fait, je vous propose d'accueillir Myriam Joly pour nous parler un petit peu plus de ces questions. Bonjour. Bonjour Myriam. Bonjour. Bonjour à tous les deux et à tous les auditeurs. Je crois que vous avez fait Purpain et qu'aujourd'hui vous dirigez l'entreprise Miss Aigle. Mais vous avez fait quoi entre Purpain et aujourd'hui la direction de l'entreprise? Oui, alors effectivement, j'aurais pensé que Purpain me mènerait un jour à fabriquer des chaussettes, hein, comme quoi tout mène à tout. C'est la grande force de Purpain, en fait, de donner d'ouvrir l'esprit sur plein de choses. Moi, je suis partie dans l'idée, quand je suis sortie de Purpain, que je voulais produire et vendre quelque chose, et dans le domaine non alimentaire. Donc voilà, je me suis tournée vers les fibres. Et je suis donc partie au Texas chercher les chèvres angora pour constituer les premiers troupeaux en France. Pourquoi cette idée? En fait, on était consommateurs de mohair. Moi, je suis dans un bassin textile qui est le sud du Tarn et j'avais envie de rejoindre tous ces bouts. Et puis en plus, j'étais curieuse et j'aime les défis. Donc voilà, tout mis à bout, ça a fait le départ. Donc 83, je m'installe sur une ferme dans le Tarn avec un petit troupeau de chèvres angora, donc issu de l'importation du Texas. Et je commence à créer. Vous avez parlé tout à l'heure de la filière, en fait, parce qu'effectivement, le textile, c'est une industrie qui nécessite donc des laveurs, des peigneurs, des fileurs, des filatures, des teinturiers, des tisserands ou des tricoteurs, des apprêteurs, voilà. Donc, il faut avoir cette chaîne-là. Et dans le Tarn, on avait la chance d'avoir la chaîne. Bon, en 83, hein, évidemment, vous avez parlé de cette fin de siècle où la délocalisation s'est faite, bon, d'abord pour des raisons économiques, hein, donc évidemment, on a pensé, mais c'est général à l'industrie, hein, on a pensé que tous ces métiers-là étaient bien trop dégradants pour nous, occidentaux, qui avaient des choses beaucoup plus importantes à faire. Il fallait laisser ça pour les gens du tiers-monde qu'on payait à coup de lance-pierre. Donc ça a été la première chose. Et donc, ça a été aggravé par des affaires de droits de douane. Et donc, notamment par rapport à la Chine dans les années 2000, tout début des années 2000, où il y a eu des réglementations qui ont été extrêmement défavorables, ou favorable plus exactement à l'entrée des produits chinois. Donc effectivement, on a eu dans le Tarn comme partout ailleurs une déprise très très forte. Et moi, j'ai vu partir les entreprises les unes après les autres, les entreprises avec lesquelles j'avais créé une filière qui me permettait de vendre mon produit sur les foires de la région à partir de ma ferme. Voilà. Donc, moi, je produisais le mohair, je tendais et j'avais créé la filière donc à travers une coopérative que j'ai animée jusqu'en 2005 pour donc faire toutes les étapes de transformation donc que vous avez évoquées tout à l'heure. Petit à petit, donc les choses se sont délocalisées, donc il a fallu s'adapter, etc. Jusqu'en 2007, où en 2007, celui qui me fabriquait les chaussettes a fait faillite. Et là, je me suis dit, ça c'est pas possible, je peux pas laisser partir ça, parce que c'est du savoir-faire qu'on aura beaucoup de mal à refaire un jour. Et donc j'ai repris cette entreprise. Alors là, à l'époque, 2007, c'était vraiment pas... Le Made in France n'était pas du tout à la mode. Tout le monde m'a dit, t'es complètement folle, tu vas pas, c'est une hérésie de faire ça. Bon, mais moi j'y croyais parce que je n'imaginais pas qu'on puisse être dans un pays où on ne produise rien, d'une part, parce que je suis dans un petit départ, dans une petite région, dans un petit village, où le fait de créer une entreprise, eh ben ça amène de l'emploi, qui dit emploi des enfants dans les écoles, etc. On connaît tout ça, hein, la déprise du milieu rural et le fait que ben il faut petit à petit revenir à créer de la vie, quoi. Et voilà, donc je suis bavarde, je parle vite, mais je sais que le temps est compté, donc je vous laisse me reposer la question, peut-être. C'était très clair, c'était parfait. Est-ce que vous pouvez, par contre, nous expliquer ce qu'est un peu le mohair, de quoi ça provient? Alors évidemment, le mohair, je vais en parler pendant des heures, c'est ma fibre fétiche. C'est une fibre magnifique qui vient donc de la chèvre angora. Donc on a pour coutume de dire les laines. En fait, la laine, enfin, au sens strict, ça vient de la brebis. Et on a une dizaine d'animaux dont on exploite le poil. La chèvre angora est ce qu'on appelle les fibres rares. La chèvre angora est le mohair, donc, est le plus important en volume de toutes ces fibres. On a également l'alpaga, on a le poil de yak, on a le chameau, voilà, on a toute une série de fibres rares qui ont été décrites. Donc le mohair, ça vient de la chèvre angora, c'est une fibre c'est-à-dire c'est pas un duvet comme le chameau, le cachemire, qui sont eux des duvets à l'intérieur de la toison. Là, c'est vraiment la fibre, toute la toison est utilisée. C'est une fibre qui est une fibre lisse, il y a très peu d'écailles, donc on a une brillance extraordinaire. C'est une fibre qui est très isolante, et voilà, c'est la plus belle des fibres. Et est-ce qu'il existe alors plusieurs qualités de mohair ou... Absolument. Donc nous, ici, tous les six mois, on reçoit les éleveurs de chèvres angora qui nous amènent leur toison pour qu'on les leur transforme, pour qu'ils puissent les vendre sur leur ferme. C'est-à-dire que, évidemment, je fais pour les autres ce dont j'ai besoin il y a 40 ans pour lancer mon affaire. Et donc, à cette occasion, les éleveurs ont trié chez eux, on les forme au tri. Et on vérifie le tri. C'est-à-dire qu'on fait quatre catégories. On pourrait en faire beaucoup plus. Hein, dans les standards mondiaux, il y en a beaucoup plus. Mais nous, on a choisi quatre catégories en fonction de l'utilisation finale. Donc, on a une catégorie qui est les poils les plus fins, qui viennent des jeunes des premières tontes ou des animaux qui génétiquement ont été sélectionnés pour avoir beaucoup de finesse. Ça, c'est le mohair qui va aller sur tout ce qui va à la peau. Donc les pulls, les écharpes, voilà. On a un mohair un petit peu plus fort, mais là, quand je parle, on parle de microns, hein, on est sur des différences de un micron et demi, qui va faire, donc, pour vous situer, on est sur 26 microns pour les écharpes et les pulls, et on est sur 28 pour les chaussettes. Et là, donc, on va faire des chaussettes avec ça, qui sont une chaussette en mohair, c'est quelque chose d'extraordinaire, et vraiment, tous les utilisateurs le confirment, et c'est pour ça qu'on a eu un grand succès avec ces chaussettes, parce qu'elles sont très solides, elles sont chaudes en étant fines et elles ne gardent pas les odeurs. Donc voilà, ça c'est quand même des bons arguments pour les chaussettes. Donc voilà, ensuite on a une catégorie un peu plus épaisse encore, donc avec lesquelles on fait tout ce qui est plaid. Donc qui dit plus épais, ça veut dire qu'on a plus de résilience, c'est-à-dire de... en même temps, je fais le geste, mais vous ne voyez pas. La résilience, donc c'est la capacité d'un matériel à reprendre sa forme initiale. Donc on comprend que pour une couverture ou un plaid, on a besoin qu'il s'écrase pas, quoi. On a besoin qu'il soit toujours dynamique, quoi. Donc voilà, ça c'est les fibres les plus épaisses. Et après, on a encore des fibres qui sont un peu moins jolies, avec lesquelles on fait des pantoufles, des chaussettes rustiques, voilà. Voilà. Ok. Et vous travaillez avec à peu près combien d'éleveurs et ça représente à peu près quel volume, en fait, pour une année? Alors, nous, on travaille avec 50 éleveurs. Il y a une centaine d'éleveurs en France. On collecte pour les éleveurs 8 tonnes par an. Donc, ça, c'est la part des éleveurs. La plupart repart pour être vendus dans les fermes avec un label qui s'appelle le Moer de nos fermes. La plus grande partie et une petite partie, c'est-à-dire tout ce qu'ils souhaitent, on achète le Moer à 20% de plus que le marché mondial avec une garantie de prix sur 10 ans. Voilà, une garantie de prix et d'achat, ce qui a permis à certains éleveurs de s'installer, enfin certains, deux exactement, c'est pas énorme, mais ça démarre et je suis confiante dans le fait qu'il y en aura d'autres, de s'installer pour produire du brut. Ce qui est quand même une grande nouveauté en France, parce qu'on n'est pas un pays tout à fait adapté à la production de brut. On est de matière brute, hein, c'est-à-dire qu'on a des structures qui sont petites et donc des charges fixes qui sont importantes si on se compare à tous les grands pays producteurs de matières premières, de laine. Et est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur, il est au rendez-vous et il achète ce type de produit? Alors oui, c'est pour ça que j'ai couru ce matin, et je m'en excuse, pas que je vous ai oublié, mais pour tout vous dire, nous on a une augmentation de 30% par rapport à l'an dernier. On a multiplié par 8 en 10 ans, c'est impressionnant, voilà. Donc aujourd'hui, mon entreprise, donc en 2007, j'ai repris 6 salariés, aujourd'hui on est 50. Wow. On a une production aujourd'hui de 400 000 paires de chaussettes par an. 40 000 pulls, 40 000 accessoires. Oui, le consommateur absolument est au rendez-vous. Moi, j'ai vu la différence en 2008 avec la crise des subprimes. Les consommateurs ont commencé à se poser la question, mais finalement, ce que j'achète, c'est mes emplois, quoi. Après, il y a eu toute la partie écologique où les gens se sont dit, mais finalement, vous avez parlé tout à l'heure du polyester, le polyester qui va dans les océans. Enfin, on sait aujourd'hui que toutes ces choses faites en pétrole, donc tout ce qui est les polyamides, l'acrylique et le polyester, on sait que ça vient du pétrole, que ce sont des ressources qui sont limitées et que ça pollue énormément. Donc voilà, les consommateurs sont conscients de ça. Et depuis maintenant la crise énergétique cette année, donc il me semble qu'il y a un peu de bon sens paysan qui revient. L'hiver, on n'est pas à 25 degrés dans les maisons, on est à 20 degrés, 19 avec un pull et des chaussettes chaudes. Donc je vous dis 30% d'augmentation. Enfin, exactement, sur septembre, octobre, on a eu 60%. C'est incroyable, quoi. Pour nous, c'est du jamais vu à ce point. Ouais. Avec toutes ces améliorations, vous voyez comment l'avenir de la filière dans le futur, pour vous et également des entreprises, je ne sais pas, qui voudraient s'installer en France ou des producteurs qui voudraient s'installer? Moi, je crois qu'il y a un boulevard. Vous avez parlé tout à l'heure de 85% des produits qui arrivent de l'extérieur. Donc, il y a différents niveaux sur lesquels il faut agir. Mais il y a un niveau, évidemment, législatif où il faut avoir au moins des taxes miroirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour les Chinois de nous envoyer des produits que pour nous de les envoyer en Chine. Ça, c'est même pas incroyable, quoi. Donc, pas protéger, mais être au moins juste et faire payer des taxes carbone parce qu'on dit là aujourd'hui, je sors un peu du cadre, mais on est quand même dedans. On dit que les pays émergents doivent faire plus de progrès par rapport au carbone, mais en réalité, c'est parce que nous, on leur jette des produits on déporte une partie de notre consommation et de nos problèmes sur les autres, quoi, en fait. Comme on dit que 85% du textile vient d'ailleurs. Donc, moi, je pense que les consommateurs, donc les législateurs, d'abord, vont se préoccuper de la chose. Les consommateurs sont de plus en plus acteurs dans l'histoire. Et nous, ça laisse une grande possibilité de développement. Voilà. Après, je pense que comme pour tout, hein, il faut se retrousser les manches, il faut pas avoir peur de travailler, il faut pas avoir peur des difficultés. Mais on est dans une, en plus, je voudrais le dire ça, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé une inversion de la tendance par rapport aux salariés. Je dois dire avec fierté qu'on est la première région de l'Occitanie il y a 5 ans à avoir inversé la tendance. Voilà. Bon, on partait de loin, mais quand même, voilà, c'est à signaler. Oui, c'est génial. C'est des beaux, c'est bien pour l'avenir. Et est-ce que vous avez un petit dernier message à nous dire, par exemple où on peut trouver vos produits ou une idée clé que vous voudriez que tout le monde retienne à la radio? L'idée clé, c'est clair, consommez moins, consommez mieux. Voilà, tout simplement. Arrêtez de vous faire séduire par des produits pas chers dont on sait qu'ils sont toujours trop chers par rapport à l'usage que vous allez en faire et dont on sait qu'ils ont induit ailleurs en termes de pollution et en termes de maltraitances humaines. Voilà, donc ça, première chose, regardez les vraies choses. Les choses ont un prix, et quand on a un prix, même plus à 10 euros, enfin, voilà, c'est même pas la peine de rêver, les choses ont un prix, et pensez à ça. Et l'autre chose, évidemment, c'est vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, www.miseigle.com, et vous pouvez également, et ça, on aime beaucoup ça, venir nous voir à la boutique, qui est dans l'atelier, c'est les gens qui viennent de Toulouse, de Montpellier, parce qu'on a de plus en plus de gens qui viennent dans la journée, et c'est une journée Miseigle, parce que, voilà, Miseigle, c'est pas qu'un achat, c'est toute une histoire, et on propose toute une visite et toute une réflexion, voilà, autour de ça. Et ce qui va être d'ailleurs, à partir de l'an prochain, en lien avec la ferme, qui va pouvoir aussi accueillir les gens pour leur montrer la culture du chanvre, la culture du lin, l'élevage de chèvres, etc. Voilà. On vous remercie beaucoup, Myriam. Je pense que la prochaine fois qu'on se voit, c'est dans votre boutique pour faire des petits achats. Moi, j'ai compris ça. En tout cas, les auditeurs aussi, je pense. Eh bien, écoutez, avec plaisir, vous serez bienvenus et bonne fin d'année à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tous les partenaires qui ont contribué à la mise en place de ce podcast, en particulier Campus FM et l'École d'ingénieurs de Purpan. Cette expérience a été très enrichissante pour nous. Nous avons pris beaucoup de plaisir en fait à réaliser ce podcast et nous espérons que les auditeurs vont le ressentir en l'écoutant. La piste est maintenant vôtre et nous rendons l'antenne à Campus FM.